Vous vivez seul ? Non, je vis avec mon chien. Vous sortez avec des amis le samedi ? Non, je sors avec mon chien. Vous partez en vacances en famille ? Non, je pars avec mon chien. Vous suivez des cours de yoga seul ? Non, je suis des cours de yoga avec mon chien. Vous dormez seul ? Non, je dors avec mon chien.